질릴 빌라디 핀 김샵 김샵 김아사틴 me pour la conche à zen me piétine elle me met en état de balague et mérime le moi dans les chaussettes je survis je sens le vide de mon cœur dans ma vie je veux plus croire au néant qui désunit à la terreur qui nous inspire la croyance en l'avenir tient à tenir debout mon manque de foi en lui me pose tant de toutous je peux plus me lever le film m'a rendu fou mon système cérébral est achevé la faute au cou si je vois une corde aussi sec je m'envole je voudrais quitter l'amertume de mes pensées qui s'étiolent laissez derrière moi ma vie qui m'a abandonné la pauvreté de mon cœur et la raison de ma nausée. À une foule, on peut sentir seul la solitude a rendu mon joie si peu palpable la solitude a rendu mon état si trop solvable je suis serré et les fils de bâtard me lapident comment combler ce vide remplir mon âme de bouteilles vides ce qu'elle me manque ma concubine ce qu'elle devient fan de ma morphine mon avenir est amorphe comme mon passé d'ailleurs partir ailleurs et se retrouver à avaler les larmes amères sans le sort de sa mère dans les bras de ma métaphore sois fort mon fils prends garde à ce que c'est prétendre être résiste face à la lame qui viendra se plonger dans tes veines. Même les lampadaires m'agressent, les caméras à bois. Je sens le banc aux abois, je pose ma fraude. Rien n'est frénésie, tout est schizophrénie. Je vois une poignée de PCBG spammer pour leur putain de jouer. Joie éphémère, ça saigne au fond de mon cœur. Joie éphémère, ça saigne au fond de mon cœur. Le monde du travail m'a trop vite dégoûté. Pendant un moment, j'ai cru que la vie était belle. Le monde du travail m'a trop vite dégoûté. Pendant un moment, j'ai cru que la vie était belle. Depuis le jeune âge, on te zèle. Et t'es partir pour la course, c'est trop tard pour remplir les séquelles. À la base, il y avait Baudelaire, spleen, je démarre ma phase. Études littéraires, vas-y que ça jase. Mal-être ou pas, le spleen me fait tomber bien bas. À la base, il y avait Baudelaire, spleen, je démarre ma phase. Études littéraires, vas-y que ça jase. Mal-être ou pas, le spleen me fait tomber bien bas. Y'a pas que dans les livres que ça en parle. Tu peux le vivre, moi sur le son. Je me cale, je remonte mes manches. Encre noire, feuille blanche pour te dire ce que j'ai sur le cœur. Je peux plus garder la rancœur. Je remonte mes manches. Encre noire, feuille blanche. J'ai trop fait pour toi la vie, je t'en veux trop aujourd'hui. Je remonte mes manches. Encre noire, feuille blanche. Tu fais tout pour que je te quitte. Tu me dégoûtes pour que je parte vite. Les jours pris d'une dure envie de m'achever. Alors je fais de la musique, encore des comptes à régler. Des comptes à dévaliser, je vais pas baliser. J'installe les balises pour ne pas perdre dans ma propre forêt. Si je crève maintenant, c'est les autres qui vont gagner. Ouais, les autres qui vont gagner. J'ai ma peau qui décompose parce que je me drogue à forte dose. Ça se me met en osmose, telle en est la bonne cause. J'ai la vie qui se décompose, la drogue dure en grosse dose. En permanence en osmose, donc ferme-toi et passe-moi le boss. En plus, je suis pressé, je dois aller me faire dépiter. Les condés m'ont pité, puis je suis pas encore pistonné. En plus, je suis pressé, je dois aller me faire dépiter. Les condés m'ont pité, et puis dans le rap, je suis pas pistonné. Un octopus, y'a ma femme qui veut pas baiser comme octopus. Dans mes bras j'aime la serrer des dents. Dans son corset d'origine corse, ma mise corsée de plus. Et mon femme ne peut pas baiser comme octopus. Dans mes bras j'aime la serrer mes dents. Dans son corset délaissé, mon avenir s'est corsé. Laisse tomber tes en dessous, les soufflettes, les sous-sous, les soucis.